Au sport. Dans la Ligue de soccer juvénile masculine Division 2, Louis-Saint-Laurent affronte École Montignac à Louis-Saint-Laurent le 26 mars à 18h. L'équipe est à Sherbrooke pour affronter le Triolet le 27 mars à 18h.